Audiomatique. Transmission 581 d'Audiomatique s'ouvrait sur la musique du saxophoniste Larry Elgard and his ensemble. Et il nous offrait la courte composition Beyond Gravity tirée de l'album Impressions of Outer Space paru en 1953. Et maintenant, c'est au tour de la formation américaine Low Sunday d'assurer la continuité à Audiomatique. We'll be right back. Nous avions droit à Audiomatic au groupe australien Mild Life, du maxi-single pour la pièce Automatic, paru en 2020. Nous entendions la pièce Automatic Psyche Magic Remix. Et en amorce de séquence, il s'agissait de la formation américaine Low Sunday, qui à ses débuts portait le nom de Low Sunday Ghost Machine. De la réédition remasterisée de son premier album homonyme, soit l'album Low Sunday Ghost Machine, sorti le 5 septembre 2025, nous écoutions la pièce For a Moment Goodbye Mix 2025 Remaster. Mentionnons que l'édition originale de l'album Low Sunday Ghost Machine a été lancée en 1996. Audiomatic se poursuit maintenant avec une pièce de Klaus Schulze composée par son alter ego Richard Van Frieden. Thank you. Audiomatic, cette séquence composée d'une seule pièce, est l'œuvre de Richard von Fried, l'alter ego de Klaus Schulze, qui a composé quelques albums sous ce pseudonyme, dont l'album Tonvel, duquel est tiré le morceau que nous avons entendu, intitulé Druck. L'album Tonvel a été publié en 1981. Audiomatic se poursuit maintenant avec l'artiste anglais Baxter Dury. Your job. Audiomatic, c'était la formation américaine Explosions in the Sky et la pièce The Only Moment We Were Alone de son troisième album The Earth Is Not a Cold Dead Place, paru en 2003. Tout juste avant, nous vous présentions l'artiste anglais Baxter Dury. Nous vous avons offert la pièce Porcelain à laquelle participe la chanteuse Rose Eleanor Dougal. Cette chanson est extraite de l'album Prince of Tears, sorti en 2017. C'est l'artiste Robert Rich qui mettra un terme à cette transmission d'Audiomatic grâce à sa composition Live Blood tirée de l'album Propagation publié en 1994. Nous vous donnons bien sûr rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatic. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomatic.cfou si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Alors voici pour terminer Robert Rich et sa composition Live Blood. C'était Audiomatic avec les Sonoristes.